ce n'est pas un morceau d'une cime. Ce n'est ni l'outre où tout le vent de la fable tenait, ni le jeu de l'éclair. Ce n'est pas un fantôme venu des profondeurs aurorales du dôme, ni le rayonnement d'un ange qui s'en va hors de quelque tombeau béant vers Jéhovah, ni rien de ce qu'en songe ou dans la fièvre on nomme. Qu'est-ce que ce navire impossible? C'est l'homme. C'est la grande révolte obéissante à Dieu, la sainte fausse clé du fatal gouffre bleu. C'est Isis qui déchire éperdument son voile. C'est du métal, du bois, du chanvre et de la toile. C'est de la pesanteur délivrée et volant. C'est la force alliée à l'homme étincelant, fier, arrachant l'argile à sa chaîne éternelle. C'est la matière, heureuse, altière, ayant en elle de l'ouragan humain et planant à travers l'immense étonnement des cieux enfin ouverts.